Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 16h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, soyez les bienvenus. Si vous venez nous rejoindre en ce samedi après-midi, 26 mars déjà, et 8 nouveaux classements. Avec cette semaine, bien une fois de plus, pas mal de changements. Peut-être un nouveau numéro 1. It's Everything, c'était la semaine dernière avec Big Disc. En sera-t-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis en attendant, un total de 3 entrées et 3 sorties. Ça fait le ménage. C'est le printemps. Hey. L'un des cartons dans ce classement du Flycase, Télé Sosimi Afrobeat Orchestra avec Too Much Information, le remix de Laoulou, c'est une sortie. La sortie également de Relaxis et Abrao avec Sabor. Et enfin, troisième et dernière sortie pour cette semaine, une noire en Juge avec Keep Up. Galaxy 95.3. Numéro 20. Allez, on y va, on est parti dans ce classement avec la 20e position, c'est la lanterne en rouge cette semaine. Ça perd 3 places, c'était entré il y a 4 semaines déjà. Le groupe s'appelle Nora and Pure, le titre Morning Dew. Petite découverte Galaxy également. Très très bon après-midi, restez avec nous, le Flycase, c'est jusqu'à 18h. Cycles, tous les samedis entre 16h et 18h avec la 19e position. À l'instant, ça perd 3 places. C'est le retour de Rome Acoustique dans ce classement avec Panty, le remix de Format B. Et numéro 20, 3 places au moins également pour Nura and Pure avec Morning Dew. C'est la position numéro 20 et c'est la lanterne rouge. Je vous rappelle que c'est à vous de voter également. Facebook, Flycas, bien évidemment. Vous nous faites toutes vos propositions. On écoute tout et puis on fait une petite sélection comme ça le samedi après-midi entre 16h et 18h. Les 20 titres qui te font bouger. C'est Flycase numéro 18. We'll be right back. Kez et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 16e position à l'instant, 2 places au moins pour Ramon Tapia avec Yellow Submarine numéro 17. C'était la première entrée pour cette semaine. Bassy Grubb avec Oh Baby Dance et pointé numéro 18. Pas de changement par rapport à la semaine dernière pour le titre Do You. Petite découverte Galaxy. Tous les jours dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émission thématique et DJs rythme les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et elle sera là toute la tribu à partir de 20h en mix sur Galaxy avec Jérôme B à partir de 20h, 21h Franck Lido, 22h Digitom, 23h Marty, minuit Digistorm, à 1h Digigus. À partir de 2h, attention, changement d'heure, hein, nous passerons à l'heure d'été évidemment, donc on va zapper de 2h à 3h. À 3h, exceptionnellement, ce sera Marc Lower que vous allez retrouver, à 4h Pierre Terry, jusqu'à 5h du mat avec tous ces mix spéciaux évidemment. Et puis émission spéciale également avec 6 mix, un 6 mix spécial avec Digitom. Mix rétro pour le week-end de Pâques avec un set trends et 100% vinyle. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, Digitom. C'est à partir de 22h jusqu'à 23h. Bien évidemment, comme tous les samedis, la nuit de samedi à dimanche. Évidemment, tout de suite, voici le groupe Mutt, le titre ROJ. Ça, c'est le nom du groupe. Hein. C'est maintenant, c'est une proposition d'entrée et c'est dans le Flycase, bien évidemment.

I get deep and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk and I'm falling all over the place. But I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet. I get deep. Quelques petites positions au moins pour ce titre I Get Deep, ex numéro 1 de Soufflé Caisse, c'était DJ Leroy et Roland Clark, numéro 14. Ça perd 5 places, c'est numéro 15. C'était la seconde entrée pour cette semaine. DJ Roland Clark, bah justement le même. Il en est le même en question avec Santé Sanson et le titre House Nation, numéro 15, seconde entrée. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 13. seen at you.

better when you. Let's get intimate. Kissing when you know I can't handle it. Fill me up, get real into it. Teasing hands, keep wondering. You won't stop, don't stop touching it. I wanna scream when you bite my lip. And if it's too much, better tell me quick. I wanna get my lips around you, pull you in. I like it better, better when you. Jamais de trop. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous allez crever. Sur Galaxy, tiens, c'était Mister Oiseau à l'instant avec Positif, vous êtes des animaux. Bienvenue, il est 17h. Voici le récapitulatif de la position numéro 20, la position numéro 11, numéro 20, 3 places au moins pour New Rain Pure et le titre Morning You. Numéro 19. Numéro 19, ça perd 3 places cette semaine également. Rome Acoustic avec Pantir, le remix de Format B. Numéro 19, petite découverte Galaxy, évidemment. Numéro 18, pas de changement pour la semaine dernière pour Season avec Do You. Remember. Numéro 17. Trois entrées cette semaine. La première est positionnée numéro 17, Bassy Grubb, Oh Baby Dance. Deux places au moins cette semaine, c'est la position numéro 16 pour Ramon Tapia, le grand retour Ramon Tapia avec le titre Yellow Submarine. Numéro 15. Numéro 15, la seconde entrée pour DJ Roland Clark et Santé Sanson, le titre House Nation. Numéro 15. Roland Clark, encore lui, accompagné de DJ Leroy, numéro 14, c'est personne place, I get deep. All over the place, but I catch myself right on time, right on line with the beat, and it's so sweet, sweet. Numéro 13. Trois places au moins cette semaine, c'est Sonny Federa, c'est la position numéro 13, Yasmine l'accompagne avec Feeling You. Ça gagne 3 places cette semaine, c'est des entrées la semaine dernière, peut-être un futur numéro 1, qui sait, hein, c'est à vous de voter Facebook Likez. DJ Fuge, Make It Right, numéro 12. Numéro 11. Et enfin numéro 11, ex numéro 1 de ce classement, c'était Written et Calo avec Rinse and Repeat, 3 places au moins. Galaxy Flykeys numéro 10. Allez, on est parti d'attaque tout de suite avec les 10 premiers. Je vous rappelle que la semaine dernière, numéro 1, c'était It's Everything avec une petite reprise, un vieux titre disco. On aura l'occasion de vous en parler, hein. Ferreira avec Love Attack. En sera-t-il encore question? Rendez-vous tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis en attendant, on est parti dans les 10 premiers d'attaque avec la position numéro 10. Ça gagne 3 places cette semaine. Entrée il y a 15 jours. C'était Nomi Rumba and Me avec Test Like. C'est maintenant, c'est sur Galaxy, c'est le Flykeys. Parting ways with your tongue, that bit of hellified laughter that pushes past her inside. Behind the dark of one beauty market up liquid animal fire. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. That liquid animal cool, that ocean foam when I pour it in the cup, liquid animal roar. That piece of pepper frog candy that caused the crack in your bloom, that did for days of what now remains of that liquid language of you. Tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. Morning rise of your halo, the black and wet of your mane, the bit of sand flowed through your hand, that liquid ebony pool, that velvet vice of your whisper, that riddled taste of your gun, Venus and furs, you hum and purrs, parting ways with your tongue, that bit of hellified laughter, that pushes past your inside, behind the dark of one beauty, mark it up, liquid animal fire, tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like different. days of what love means, that liquid language of you tastes like heroin, tastes like desire, tastes like arrogance, tastes like desire. It's as close to God as I know. There is a melody, the structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's... And so the whole fucking lot. Incontournable tous samedis entre 16h et 18h avec la troisième entrée pour cette semaine. C'est la meilleure entrée d'ailleurs, Denise Cruz et le titre Sea Line, évidemment la reprise Nina Simone, un vieux titre qui a déjà été remixé maintes et maintes fois. C'est un remix de Wad pointé numéro 9 et numéro 10 juste auparavant, c'était Nomi Rumba and Me avec Test Like numéro 10. Les 20 titres qui te font bouger. Numéro 8.

numéro 6. Titre incontournable, c'est tous les samedis entre 16h et 18h, c'est le Flycase avec la position numéro 6 à l'instant, Lovebirds National avec The Cat. Il sera allé tout à l'heure à partir de 18h, hein, le chat Matlomatou, tout à l'heure dans une demi-heure. En attendant, eh bien, on va se parler des soirées ce soir sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy, toute la tribu sera présente à partir de 20h, Jérôme B à partir de 20h, 21h Franck Lido, à 22h Digitom avec un mix exceptionnel à rétro à l'occasion du week-end de Pâques, comme chaque année un petit mix rétro spécial Trends avec une émission 100% vinyle. Donc c'est avec Digitom, rendez-vous à ne pas manquer à 22h, 23h mardi, à minuit Digistorm, à 1h Digigus, à 2h, c'est-à-dire les nouvelles heures puisqu'on change d'heure, hein, on avance d'une heure, donc il sera 3h Mark Lower, à 4h pour clôturer cette soirée, ce sera Pierre Terry en mix jusqu'à 5h. Tout de suite, on se fait une petite proposition d'entrée, tiens, pour ce classement du Flycase la semaine prochaine. Un air qui vous est certainement familier, Neon Judgment, TV Treated. Ça vient d'être remixé par Def Clark. C'est maintenant et c'est une proposition d'entrée dans ce classement du Flycase pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de voter, hein, Facebook Flycase. 5. We'll be right back. piqué tous les vieux sons du disco. Voilà. C'était Slick Space Bass. Ça, c'était la version originale en 79. Et ça n'a quasiment pris aucune ride par rapport au remix. C'est ça qui est formidable. Jen Faris avec Time. C'est la position numéro 4 cette semaine du Flycase. Une place de moins et 3 places de moins juste auparavant. Pour Gershon Jackson, ex numéro 1 de ce Flycase également avec Take It Easy. Le remix de Sonny Fodera et Maggio. Dans quelques instants, le podium de tête. Flycase. Avec Olivier Curtis sur Galaxy numéro 3. trying to get it. You didn't. You're gonna get it. I see you looking, looking at all the things I took in. Who is such and such? You try to know too much, hoping for my demise. Instead, I rise. Oh, no. You didn't. You're gonna get it. Rock dans ce classement du Flycase, position numéro 2, ça gagne 2 places cette semaine avec Mind Your Business. Flycase, égal Flycase, numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif des 10 premiers, les 10 meilleurs pour cette semaine, numéro 10, 3 places au mieux pour Nomi Rump and Me avec Test Like. Numéro 9. C'est les meilleures entrées pour cette semaine. C'est la position numéro 9. Denise Cruz avec C-Line. La reprise de Nina Simone avec Wed Remix. C'est la version remix. Évidemment, numéro 9. Numéro 8. Numéro 8, ça gagne 2 places cette semaine. Le titre de Koyo, Who's Wearing the Trouser. Numéro 8, ça perd 2 places. Trois places de mieux cette semaine, c'est la position numéro 7. Le groupe s'appelle Oxia, le titre Feeling. C'est le remix de Olivier Giacomoto. Numéro 6. Numéro 6, The Cat. The Cat, Lovebirds avec National. C'est pointé. Numéro 6, ça perd une place. Numéro 5. 3 places de moins cette semaine, c'est la position numéro 5. Garson Jackson avec Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Matt Joe. Numéro 4. Numéro numéro 4, Jen Faris, petite découverte au Galaxy également, ça nous fait bien plaisir ce titre-là, Time, ça nous met de bonne humeur en plus. Numéro 4, ça perd une place. Numéro 3, le titre c'est Vibrate. Si, si, je vous le jure. Ça s'appelle Audio Jack, c'est le nom du groupe. Vibrate. Numéro 3, ça gagne 4 places. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Numéro 2. Et enfin, numéro 2, on s'est écouté il y a quelques secondes. C'était Clone Van Rock avec Mind Your Business. C'est le nouveau, ça gagne 2 places. Bon, pas de grande surprise, hein, c'est le même numéro 1 que la semaine dernière. Pas de changement par rapport à la semaine dernière. It's Everything avec Big Disc numéro 1. de Fly Casu comme la semaine dernière. C'était It's Everything à l'instant avec Big Disc et c'est une reprise à vieux titre disco, on vous l'a dit. Découverte par Dave d'ailleurs, hein, de Metal Matou avec Ferrari, Love Attack numéro 1. Voilà, Fly Casu, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, on change d'heure. Hein. Ce week-end, on dormira une heure de moins, tu te rends compte? Je suis déjà fatigué. Rien que d'y penser, de voir changer toutes ces horloges, il est fatigué, tu vois. Bon, en tout cas, Matou Matou, c'est lui jusqu'à 20h, et évidemment, et que plein de surprises. Et puis, n'oubliez pas tous vos mix habituels. Émission spéciale également ce soir avec Digitom. Émission rétro spéciale Pike. Émission Trains 100% vinyle à partir de 22h. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Matou Matou, c'est tout de suite. On vous souhaite une excellente soirée. Ciao!